On va parler de football. On sait que en fin de semaine, c'est le bol d'or. Encore une fois, les gaillards de Jonquière vont y participer. Et comme on le fait depuis le début de l'automne, ben on va parler avec des joueurs du haut du lac. Et lui, c'est pas la première fois qu'on y parle, c'est la deuxième fois qu'on lui parle cette année, c'est Simon Gagnon de Dolbeau-Mistassini. La dernière fois qu'on lui a parlé, c'était quand Alexandre Gagnon avait été repêché. On lui demandait si ça le motivait. Quoi qu'il en soit, on lui parle. Salut Simon! Salut Dan! Simon, comment as-tu trouvé ton année cette année? Ben, moi, de mon bord, ça a très bien été, puis du côté de l'équipe aussi, là, on n'a rien à dire là-dessus. OK. Est-ce que tu as connu vraiment une année vraiment comme tu t'anticipais au niveau du terrain, au niveau de ta de également de ta de ton temps de jeu et ainsi de suite? Ben, au niveau du temps de jeu, je peux pas chialer ben, j'ai été pas mal présent partout, là. OK. Tout ce que je voulais. Fait que ça me va. Mais côté participation, ben, ça a été plus tranquille un peu cette année que les années antérieures. OK. Disons que t'as moins fait sentir ta présence. C'est ça qu'on peut dire? Moi, mettons, on pourrait dire ça de même. Ouais. OK. Si, dernière fois qu'on s'était parlé, j'avais su que McGill s'intéressait à toi. Il y avait même. Est-ce que depuis ce temps-là, tu as eu d'autres pour parler avec d'autres universités? Ben là, pour l'instant, c'est plus avec Bishop, je te dirais. Là. OK. Mais c'est ça, c'est pas encore la fin de la saison, puis il reste encore des choses à voir. OK. Un match comme en fin de semaine, j'imagine au Bol d'Or, il va y avoir plusieurs recruteurs de ces universités-là? Oui, ils sont pas mal tous là. OK. Bol d'Or, c'est pas mal le rendez-vous. OK. Dis-moi, si on parlait un peu de Victoriaville, est-ce que tu as eu la chance, avec François et toute l'équipe, de regarder des vidéos de cette équipe-là? Ben, contre Victoriaville, c'est sûr qu'on a fait beaucoup de vidéos en équipe, puis j'en ai fait aussi de mon bord, puis c'est un peu notre job de toute l'équipe d'en faire pour être préparé à notre match qu'on a joué. Puis... C'est quel genre d'équipe que c'est, hein? Hein? Quel genre d'équipe que c'est, Simon? Est-ce que c'est une équipe qui court avec le ballon? Est-ce que c'est une équipe qui a un jeu aérien, bonne défensive? C'est quoi? Victoriaville? Ouais. Ben, il était surtout axé par la passe, je dirais. Okay. Il était deux bons receveurs, mais il était très bon au sol aussi. Ils ont fait une très bonne moyenne, si on regarde par les stats. Là. OK. Est-ce que... Les stats, ils parlent, Qu'est-ce que les gaillards devront faire s'ils veulent gagner? Éviter les revirements, jouer plus au sol, c'est quoi? C'est pas mal tout, là. Que là, en fin de semaine, on va jouer contre les lauréats. OK. Et c'est ça, ils sont très bons. On se rappelle, on a joué contre eux l'année passée. OK. Ça avait super bien été en demi-finale. OK. Et au Bol d'Or, ils ont pas la même équipe. Ils sont très puissants au niveau du sol. OK. Et c'est ça, on va les attendre. On va se préparer, on va tester énormément. Pas facile dans ce temps-là, hein, parce qu'il faut faire arrêter l'attaque au sol, parce qu'on va jouer avec les cadrans. C'est important, ça. Ouais, ben, c'est ça, ouais. OK. J'imagine que tout au long de la semaine, vous avez regardé des vidéos. Même si vous n'êtes pas dans la même division, vous savez un peu à quoi vous attendre. Oui, on regarde. On a toutes les vidéos de leur saison complète. OK. On peut regarder leur match, du match 1 jusqu'à leur match en demi-finale. OK. On va se préparer du mieux, on va regarder tout ce qu'ils font, tout ce qui peut nous arriver de spécial qu'on n'a pas vu. Okay. On va tout regarder. Si on parlait un peu de l'équipe de l'année passée, tu es en deuxième participation, donc on peut-tu dire un peu que tu commences à être un vétéran? Est-ce que c'est une meilleure équipe que l'an passé ou c'est une équipe différente? Ben, je dirais peut-être pas meilleure, mais aussi talentueuse. OK. Parce qu'on a perdu des bons joueurs, c'est vrai. Mais on est allé en rechercher des très très bons qui bougent très bien, puis que des places sont meilleures, d'autres c'est moins, mais ça a une bonne. Ça se complète. OK. L'arrivée de William, l'arrivée de Philippe Lavoie, William Saint-Pierre, Philippe Lavoie aussi, ça a dû aider aussi pour l'équipe, là. Il était pas là l'année passée, c'est deux joueurs d'impact, ça. c'est des très gros joueurs, puis on est tellement content d'y avoir. On va s'en passer aujourd'hui. Ouais. C'est quasiment une équipe du haut du lac. Quand tu regardes ça, tu as 10 ou 11 joueurs qui viennent de soit de Lebeau, soit de Normandin, de Saint-Félicien, de Robertval. C'est une grande majorité de joueurs. Ben, c'est beaucoup, oui, mais si on compare aux années précédentes, il y en avait beaucoup moins que ça. Puis c'est fun là, pour nous. On voit des visages qu'on connaît. Puis... Oui, dans les Astrales aussi. Au niveau académique, comment ça a été cette année? Ça va bien. C'est sûr que la session n'est pas finie encore, mais ça s'enligne bien encore cette année-là. OK, parce qu'il faut quasiment regarder ça pareil. Là. Si tu veux continuer au football, on n'a pas le choix de regarder au niveau académique aussi. On doit mettre vraiment une priorité là-dessus aussi. Là. Ouais, c'est sûr. C'est dans la vie tous les jours, puis... Okay. Toujours donner son max là-dedans. OK. Ben, Simon, on va te souhaiter la meilleure des chances. On va parler avec François vendredi et lundi, François Laberge, pour un petit peu avoir le côté du coach. Félicitations, puis encore une fois, puis bonne chance pour la suite de ta carrière. On va sûrement avoir l'occasion de se reparler quand va venir le temps du choix universitaire. Ben, merci beaucoup. Simon Gagnon de Dolbeau-Missassini qui va jouer le Bol d'Or cette semaine contre Victoriaville.